Ça y est. Ça y est, ça marche. Tu m'entends? Je t'entends et toi, tu m'entends? Ouais, là je t'entends. Là, tu m'entends correctement? Et toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Non, c'est pour tester Ah, parce bah que... je t'entends plus. Oh merde. Ouais, là je t'entends bien là. Attends, j'ai une idée, Oui, juste. je t'entends. Mon gars, tu m'entends ou pas? Allô? Quoi? Je vais chanter une chanson et tu me dis si ça coupe vraiment ou si c'est des blancs en fait. Ouais, je t'entends. Allô? Allô? Allô? Ok. Allô? Oui. Mon gars, je vais chanter une chanson et tu me dis si ça coupe, ok? Ok. Ok, ouais, vas-y, chante. Allô? Oui. Armstrong, je ne suis pas Ça marche noir, pas alors. je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. L'oiseau. Zéro. Oh, blanc de peau. Mon gars, j'ai fini de chanter, j'ai entendu tous tes commentaires, mais en fait, il y a un décalage horrible. Ah, c'est pour ça qu'on galère. Et oui, en fait, il y a au moins 10 à 12 secondes de décalage. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que le principe du logiciel, c'est justement d'avoir des temps en bas, t'as la barre des temps sur 16 temps, des temps justement de décalage, et pour tout se jouer en décalé, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est le temps d'en bas là, le truc, le BMP? Ouais, en fait, la barre, c'est la barre des BMP. Et donc, en fait, je sais pas, il y a un système pour qu'il y ait un décalage justement qui soit fait exprès pour qu'au final on soit tous calés. Mais c'est un truc de barjo, quoi.